pas quoi dire alors je te dis rien. Tu sais pas quoi répondre alors tu réponds rien. On est l'un contre l'autre mais on est même pas bien. Moi j'attends ton sourire, toi t'attends le mien. Mais quelle soirée on va passer encore. L'un contre l'autre, chacun veut son temps. Je regarde rire, je vois des temps qui passent. Faudrait bouger, qui t'a brisé la glace. Les étrangers, voilà ce qu'on est venu. Que les coups de poing, ça je sais pas non plus. C'est pas la peine de se faire du cinéma. Faut savoir dire stop et s'arrêter là. Mais quelle soirée on va passer encore. L'un contre l'autre, chacun de son temps. Regarde rire, j'ai peur des gens qui passent. On va se bouger, qui t'a brisé la glace. Alors je te dis rien. Tu sais pas quoi répondre alors tu réponds rien. On est l'un contre l'autre et on est même pas bien. Moi j'attends ton sourire, toi t'attends le mien. Mais quelle soirée on va passer encore. L'un contre l'autre, chacun dans son corps. Je me garde rire, j'ai peur du temps qui passe. Faudrait se bouger, qui t'a brisé la glace. Des étrangers, voilà ce qu'on est venu. Que les coups de poing, ça je sais pas non plus. C'est pas la peine de faire du cinéma. De savoir dire stop et s'arrêter là. Mais quelle soirée on va passer encore.